fidoche. On s'incruste dans ton bâton roulant Dodge. French la Dutch, récupère un gamo chez les Dutch. Sous la cheval, y'a des chevaux, on se permet, on remplit le compte épargne, Paris la maison. Aller-retour, j'suis dans l'avion, j'vois tous mes rêves à travers le hublot. Voilà la pétasse, on prend pas en photo nos liasses. Numéro 10, j'suis sur le gazon, deux doses de poison. J'ai Christian Dior sur les cuissons, dans Pérignon, j'vois comme un oiseau. Ma clean tech, haute couture, French la Dutch. Ma clean tech, j'récupère chili Dutch. 4-4 pas cramé, on te m'écrate, tu fais pas ce que t'écris. Oh toi t'as craqué, tu ne fais pas tout ce que tu décris. On fait des choses, quand elle me regarde, il se passe quelque chose. Quand t'as la sauvette, on fait la dose, la dose, la dose. On fait des choses, quand elle me regarde, il se passe quelque chose. Quand t'as la sauvette, on fait la dose, la dose, la dose. Allô, allô, Apple baveux pour les négos, je négocie les contrats à zéro. Business illégaux, j'ramène à manger des DJ, vente de commerce, je suis à l'étranger. Ton équipe de salopes ne me fait pas peur, hein. De façon, si on joue, j'ai rien à perdre. C'est celui qui a plus d'argent qui gagne la guerre. En ce moment, je change dans le quartier des terres. Ma clean tech, haute couture, French la tech. Ma clean tech, je récupère chili tech. 4-4 pas cramé, on te m'écrate, tu fais pas ce que t'écris. Oh toi t'as craqué, tu ne fais pas tout ce que tu décris. On fait les choses, quand elle me regarde, il se passe quelque chose. Quand t'as la sauvette, on fait la dose, la dose, la dose. On fait les choses, quand elle me regarde, il se passe quelque chose. Quand t'as la sauvette, on fait la dose.